En Corée, la province du Hwanghae du Nord a lâché le Ciscoron plus de 10 000 faisans et une centaine de chevrières dans les montagnes.